Tu prends du riz ? Oui, du riz et du poulet aussi. J'aime le poulet. Moi, je prends du poisson. J'adore le saumon.